3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Hop hop, une petite séance maquillage, c'est parti. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. On est de retour, épisode 98. La saison régulière n'est pas lancée, mais nous, on est déjà bien lancé depuis un petit moment sur les épisodes hebdomadaires sur KNFTV, à The Knicks Week, toujours fidèlement accompagné de Seb, a.k.a. Choubix le Gaulois. Comment vas-tu? Ça va, tout va bien. Nickel, la prêt, potion... prêt à attaquer la nouvelle semaine. La potion magique se prépare pour vivre une saison de champion. Là, plus que jamais, hein. Je crois que c'est lancé. Est-ce qu'on a tous les ingrédients dans la marmite du Madison Square Garden? Est-ce que Chef Thibodeau va réussir à s'en sortir, faire des rotations, faire jouer est-ce des joueurs? Est-ce qu'il va faire jouer plus de 5 joueurs? Parce que visiblement, c'est un peu la tendance que tout le monde pense. Beaucoup de gens pensent que Tom Thibodeau ne va pas au-delà d'un starting 5. Eh ben, on va pouvoir en parler parce qu'il y a eu des matchs, on a vu des choses, il a fait des rotations, il a fait jouer des rookies. Hein, voilà, donc on va pouvoir débriefer sur tout ça, hein, on va pouvoir parler de tout ça, avec un petit peu d'argumentaire, des avis, et voilà, tout ce qui fait d'habitude le succès, peut-être pas des Knicks, mais de nos épisodes à The Knicks Week, l'épisode 98, on est parti, comme vous le savez, il y a encore beaucoup de choses à dire, et oui, deux petits matchs de pré-saison, et pourtant, on a de quoi parler, alors on perd pas plus de temps. On lance le petit jingle et on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière dans la planète Orange and Blue. C'est hyper les Lascar. Alors dans la planète Orange and Blue, mais dans la planète basket au sens large et la planète basket, bah, c'est aussi les anciens. Et les anciens, c'est pas nous, hein, même si je pense que... Ouais, on serait plutôt dans la classe d'âge de LeBron James maintenant. Hein. Non, les anciens, eh ben, ils ont fait leur entrée au Panthéon. C'était dimanche, effectivement, la soirée d'introduction de la nouvelle campagne de Hall of Famer. Voilà, la nouvelle QV 2024-25 avec quelques Knickerbockers, des New Yorkais d'adoption ou de naissance. En l'occurrence, on avait du super fan, vous le savez, il y avait notre ami Spike Lee. On en a parlé la semaine dernière, il était bien entendu à Springfield, Massachusetts pour l'introduction des Hall of Fame et des super fans. Et puis aussi Dick Barnett, le docteur. Le numéro 12, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, numéro 12, Dick Barnett. Numéro retiré il y a longtemps au plafond du Madison Square Garden. Un champion NBA, et vous savez qu'au Knicks, c'est assez rare. Donc, bien sûr, t'es champion NBA avec les Knicks, t'as le droit à ton maillot au plafond. Un double champion NBA. Alors bon, notre ami Dick Barnett, il est plus tout jeune, malheureusement. On se posait la question de savoir pourquoi il n'avait pas été introduit au Hall of Fame plus tôt. Il avait une carrière relativement longue. C'est un ancien, c'est un pionnier, bien sûr. Un pionnier de la NBA et même des ligues précédentes. On pense, entre autres, à la ABL, c'est ça, hein. Il est passé par plusieurs franchises. Bien sûr, les Knicks, auparavant, les Lakers, et puis aussi des franchises du côté de Syracuse, c'est ça, Cleveland un petit peu. Des franchises qui ont disparu. Il a commencé sa carrière au Syracuse National, où il a été drafté en 4e position de la draft 1959. Ouais, ça rajeunit pas. Et par la suite, il a joué aux Cleveland Pipers. Ça c'est... Voilà. C'est à noter, hein, pour les petites soirées, les petits quiz. Ça peut arriver qu'il y ait des soirées quiz où on se parle un petit peu basket, on parle un peu ancienne gloire. Bah voilà, Dick Barnett, c'était un shoot vraiment assez atypique. Avec les jambes... Un petit saut de cabri, les jambes pliées derrière. des images qui sont plutôt sympathiques à revoir. Voilà, Dick Barnett, Dr. Barnett même, qui fait son entrée au Panthéon du basket. C'est mérité. C'est peut-être pas un joueur qui trustait énormément de records, parce que c'était aussi une autre époque. Toutes les stats n'étaient pas comptabilisées à l'époque, hein, aux prémices de l'NBA. Une fois All-Star, et avec les Knicks. Comme quoi, on peut briller à New York, ça c'est sûr. Et Dick Barnett a brillé, et il était un élément clé, plus du premier titre que du second, hein, déjà. Ouais, le second, il est déjà très fatigué. Il était déjà en fin de carrière, et il a pris sa retraite à New York. C'était un... quoi, il y a 50 ans qu'il a pris sa Il a retraite. pris Alors sa retraite il y a 50 ans. Et c'est justement ça, on se posait aussi, on parlait en off, en se disant, est-ce que la NBA aurait pas pu le récompenser bien l'honorer un avant? peu plus tôt. Voilà, bien avant ses 88 ans, où on le voit, il est quand même en difficulté, hein, le pauvre. Fortement diminué, hein, quand même. Enfin, je veux dire, ça fait 50 ans qu'il a arrêté le basket. Donc bon, je pense que... Bon, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, Exactement, aujourd'hui, il exactement. rejoint des Bill Bradley, des Earl Monroe, des Walt Frazier, des Willis Reed, des Patrick Ewing. Bon, si vous avez toute la liste des Hall of Famers passés par New York, mettez-nous ça en commentaire. Il y en a quand même beaucoup. Et puis, il y a des Hall of Famers type Jason Kidd qui sont bien sûr des anciens joueurs des Knicks, Dave DeBusschere, mais évidemment. Dave DeBusschere, bien sûr. Bernard King. Carmelo Anthony? Pas encore. Pas encore, mais il en prend le chemin, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis Larry Spike Johnson, Lewis? est-ce qu'il le sera un jour, justement, ce bon vieux Larry? Larry, non. Non. Aujourd'hui, il n'est pas un Nick. Non, il n'est pas un Nick. Il n'est pas un Hall of Famer. Non. Est-ce qu'il sera un Hall of Famer un jour? Il a eu un bon passage à Charlotte. C'était un peu la star des Charlotte Hornets au tout début de la création de cette franchise. Rookie de l'année. Mais voilà, aujourd'hui, non. Joueur de Team USA également de Larry Johnson. Hein. Ouais. Médaillé d'or. D'or, c'était quoi? C'était les championnats du monde? Après Dream Team ou c'était Après, le JO de 96, les j'avoue JO que de... j'ai un doute. ce que j'allais te dire, les JO de 96, je me demande s'il ne fait pas partie de la Dream Team 2. Eh bien, oui, mais j'ai un doute de savoir s'il a fait juste les championnats du monde avec le Shaq ou si derrière il était aussi Je vais te de la dire. campagne olympique. Mais voilà, est-ce que Larry Johnson c'est un Hall of Famer Il pour est vous? dans la Dream Team 2. Il est dans la Dream Team 2 avec le Shaq, justement. Bon. Le belle Shaq, paire il y avait d'intérieur quand Il y avait ce bon vieux Dominique Wilkins aussi qui était avec eux. Incroyable, hein? Enfin, bref, voilà. Incroyable, incroyable. Bref, bah voilà, autre question. Est-ce que pour vous, Larry Johnson devrait être au Hall of Fame? Est-ce qu'on attendra 50 ans après sa retraite pour lui trouver une petite place? Bon. Oh, En tout cas, nous, je parlais de Larry Johnson Larry, parce il est dans notre cœur. il avait fait une petite sortie médiatique là récemment en disant qu'il était content, qu'il allait retrouver Patrick Ewing et tout, machin. Enfin, là, il... Eh bien, voilà, c'est le rassemblement des anciens et qu'on continue dans la veine des anciens. Et puis là, c'est un fraîchement retraité, c'est Derrick Rose. Donc, save the date, comme on dit chez nous. Ça ne sera pas le 1-4-25, mais plutôt le 4-1-25 pour nous, francophones que nous sommes. Et oui, le 4 janvier 2025, les Chicago Bulls. Bon, c'est une franchise qui mérite d'être respectée tout de même. Les Chicago Bulls vont honorer Derrick Rose. Alors, de quelle façon? On ne sait pas. Il y aura une Derrick Rose Night. Et ça tombe bien puisque c'est le retour, pas de Derrick Rose, mais des anciens de la maison Bulls également, avec Tom Thibodeau. Et puis Derrick Rose, vous le savez, il est passé par New York. Alors il est passé par New York avec deux numéros. Là sur le petit visuel, on voit le numéro 4 qui a bien fait marcher la franchise il y a 2-3 saisons de ça. Mais le 25, c'était aussi le premier numéro de Derrick Rose à New York lors de son tout premier passage. C'était son numéro dans sa high school. Mais voilà, curieux hasard du calendrier. Ça sera l'affiche New York Knicks at Chicago Bulls et ça sera l'occasion d'honorer Derrick Rose. Est-ce qu'il y aura un retrait de son numéro au plafond Ce moment-là? du United Center? Non, c'est plus United Center à Chicago. Voilà. Semble-t-il, il y a des discussions. C'est pas sûr-sûr. À ce Bon, moment-là, quand même. pas aussi rapidement après son annonce de retrait. Ouais, mais Oh. pour une équipe qui est un petit peu en manque de fame et d'éléments qui peuvent ravir le public sur une saison qui s'annonce compliquée pour Chicago, voilà, c'est peut-être une façon de vite retirer son numéro. En tout cas, Joakim Noah avait eu lui également droit à une soirée, mais pas de retrait de numéro. Joakim Noah À aussi voir. pourrait avoir son numéro retiré aux Bulls Ouais. avec quand même tout ce qu'il a fait. C'est vrai que. Défenseur de l'année, Ah oui. en course, enfin dans la Défenseur de shortlist pour l'année, le titre All-Star, de MVP. plusieurs Bon, en belles tout campagnes de cas, playoffs. Derrick Rose, même si l'histoire a été compliquée sur la fin, qu'il y a eu un trade qui a été un petit peu difficilement vécu par Derrick Rose, ça reste quand même le dernier MVP en titre des Chicago Bulls, un joueur qui avait été le visage de la franchise et même un des visages de la NBA. Donc cet honneur devrait normalement lui revenir. À voir ce que cette franchise fait. Après tout, cela ne nous regarde pas. On dirait qu'il fréquente une certaine boîte de nuit, mais enfin bon. Cela ne nous regarde pas. Certains l'auraient même vu traîner dans les soirées de Didi, mais cela ne nous regarde pas. Allez, J'espère pour lui on... qu'il n'y était pas. Bah non, j'espère pas. Enfin bref, cela ne nous regarde pas comme on dit. En tout cas, des belles soirées, il y en a eu au Madison Square Garden cette semaine. Et oui, les Knicks étaient de retour après ce petit training camp exporté en Caroline, du nord ou du sud, vous le savez, je suis un petit peu perdu dans la géographie des États américains. Mais voilà, tous ces Knickerbockers étaient de retour à New York, ont retrouvé leur centre d'entraînement, ont retrouvé leur Madison Square Garden. Et avant de commencer par jouer, eh bien, il y a eu un petit événement avec les anciens de la maison, quelques petits people et autres célébrités pour faire des petits matchs, des petites photos sympas, jeter des maillots aux fans. Bref, tout le monde était content de retrouver le Madison Square Garden et les Knicks. On a eu notre petit joueur Alan Houston, que je crois que tu affectionnes un petit peu, Seb, Ah oui. qui a fini MVP du match avec un petit trophée sympa. Allez, un de plus à mettre sur la cheminée à la maison. C'était sympa cette soirée de lancement, de retrouvailles avec les fans. Cette première introduction de Karl Anthony Towns avec la voix du speaker du Madison Square Garden, ça permet de se Alors après, remettre un petit peu en jambe. je pourrais pas en parler, je l'ai pas vu, donc j'ai pas. On a vu circuler quelques photos, on a vu du Oui, Jamal voilà. Crawford qui semble aussi Jamal plutôt Crawford, en forme. ah, toujours. Hein? Mais lui, c'est Benjamin Button. Hein. Il ne vieillit pas. Il ne Il ne vieillit vieillit pas. pas. Il ne vieillit pas. C'est incroyable. Jamal Crawford. Autant là, j'ai vu quand même qu'Alan Houston, il avait pris un petit coup de vieux. Parce que lui aussi, dans le temps, tu vois, Benjamin Button, il se pose là. Mais Jamal Crawford, là encore, et il a de ses moves, il est incroyable. Hein. Lui, Après, il a toujours son morphotype un peu skinny, un peu léger. On a pu voir Steve Novak, on a pu voir Amar'e Stoudemire, on a pu voir qui d'autre? Wilson Chandler. Oui. Oui. Oui, Tim Wilson Thomas. Chandler, Tim Thomas, bien sûr, à toujours chaque là, fois. toujours toujours là dans les bons coups. Et puis la Trail Sprewell, enfin bref, ça avait l'air plutôt sympa cet événement. Les fans ont pu en profiter. John Starks plutôt sur le banc, Larry Johnson également Oui, sur le côté. c'était l'équipe, je crois, c'était ça, c'était l'équipe de Stars contre l'équipe de Larry Johnson, Ouais. je crois. Voilà, donc un coach. Et puis des célébrités. Les célébrités, par contre, j'avoue, je ne les connais pas. Je ne sais pas qui sont ces gens. Ils ont de la chance, en tout cas. On les envie. Est-ce que c'est des super fans? Est-ce qu'ils feront leur entrée au Hall of Fame un jour? Bon, à voir. À voir. À voir. En tout cas. Est-ce qu'ils sont juste blindés d'oseille et ils ont pu acheter leur Ouais. voilà. Ouais. Enfin, cela ne nous regarde pas. Regarde pas. Voilà, on n'est pas là pour faire de la mauvaise langue. En tout cas, on a aussi retrouvé nos Nova Boys. Bah oui, alors on les a retrouvés sur le parquet, mais avant de les retrouver sur le parquet, on les a vus en photo. Il y a une petite séance photo et un article dans le GQ Magazine, vous savez, le magazine des beaux gosses, ceux qui aiment la sape, le fashion. Et bah voilà, le magazine en question, on sait que New York est une terre de fashionistas, la mode est un élément important dans cette grande ville. Et ils ont profité de l'été où les 4 Nova Boys étaient encore en ville pour faire des petites séances photos, saper avec différents couturiers. Bon, moi, j'avoue que je ne suis pas trop non plus porté suffisamment sur la sape pour connaître les créateurs derrière tous ces beaux designs. En tout cas, je suis sûr que Walt Frazier a apprécié. Et puis voilà des petits articles où ça parlait un petit peu de cette aventure qui ne verra finalement pas le jour, où la réunion des 4 fantastiques, des Ouais. 4 Nova Boys. Juste. On les a vus en photo juste avant de Ouais. retrouver Minnesota au Madison Square Garden. C'était sympa ces photos, Non, non, mais ça laisse un. tout est sympa, les photos, l'interview, la relation qu'ils ont entre eux. Tu sens qu'en effet, c'est vraiment ces quatre amis, quoi. Hein, ces quatre. C'est ouais, voilà, c'est vraiment quatre amis. Ouais, c'est. Donc bon, après voilà, la NBA, comme on dit, c'est en effet c'est un business, et puis bon ben des fois, malheureusement, il faut casser des choses pour en reconstruire d'autres. Mais voilà, Dante, même s'il est resté un an, on en a parlé déjà plein de fois hein, sur cette émission, il aura laissé quand même cette petite empreinte indélébile, comme finalement Jeremy Lin l'avait laissé, c'est-à-dire que il y a eu aussi un peu cette Don Sanity, Hype. quoi, cette tu vois. Big Ragu, mais ouais, c'est cette rencontre ratée finalement entre les quatre Nova Boys et bon, écoute, c'est peut-être que c'est reculer pour mieux sauter, on sait pas. On sait pas. On verra. Il est encore sous contrat. Il est encore sous contrat avec maintenant les Minnesota Timberwolves, crois que qui eux les Knicks étaient avaient à signé en 2 ville. ans, je crois bien. Je crois qu'il avait signé 3 ans l'année dernière. Ouais. Il peut forcer un trade, on sait pas. On ne sait pas. Bon, après, contre qui? Contre Mikal, tiens donc. Contre Jericho Sims, ce qui sont intéressés. Je le livre, je le donne, je l'amène avec ma voiture. Je fais le déplacement jusqu'à New York pour l'amener jusqu'au Minnesota. Visiblement, Mitchell Robinson, ça leur plaisait pas. Je sais pas, ils auraient peut-être des vues sur un autre intérieur. À voir, à voir. En tout cas, voilà, vous le saviez, on en avait parlé un petit peu. Il y avait que 2 matchs cette semaine. Et donc, le fameux réception game, les retrouvailles avec les amis du Minnesota et de New York, Minnesota Timberwolves at Madison Square Garden. Ben voilà, on attendait un petit peu ce match pour voir un petit peu comment ça allait jouer. Puis, en termes d'opposition par rapport à ces matchs de pré-saison, c'était l'équipe qui était quand même la plus forte sur le papier. Et aussi par rapport au bilan de la saison dernière, et bien on se demandait entre autres si les Knicks allaient faire un petit vidéo hommage, une petite vidéo hommage pardon, à ces anciens Knickerbockers que sont Julius Randle et Dante DiVincenzo. Julius n'était pas en tenue, ne jouait pas, il n'a pas encore joué en pré-saison. Il se remet doucement mais sûrement de son opération à l'épaule l'été dernier. Mais voilà, finalement, on n'a pas attendu un prochain match au mois de décembre en saison régulière. Les joueurs étaient en ville, et bien voilà, on leur a fait tout simplement une vidéo hommage. Alors, il y avait un petit peu plus d'images d'archives pour Julius Randle, qui a resté un petit peu plus longtemps que Dante DiVincenzo. Mais les deux ont été salués, ont été honorés lors du premier temps mort de cette rencontre de pré-saison. Bon. Toi, t'aurais préféré qu'on garde ça avec un petit peu l'importance que revêt un match de saison régulière par rapport à de la pré-saison. Mais bon, ça aurait été un petit peu aussi bizarre de juste leur faire les petits câlins. Voilà, et puis merci les gars, et on fêtera ça mieux, plus dignement au retour en décembre. Non, le Garden a tenu à remercier dès le jour 1, dès le retour des anciens Bockers à New York. Bon voilà, c'était sobre, c'était bien. Les joueurs ont apprécié. Julius, qui était lui en civil, a pu remercier, saluer le public. Bon voilà, c'est fait. Il y avait de l'émotion forcément sur cette rencontre. On va revenir sur un autre événement qui a fait parler avant de parler du sportif. Mais voilà, bah, cette petite vidéo hommage, ils n'en ont pas fait trop non plus. Moi, je trouvais que c'était bien. C'était bien de le faire maintenant. Ça ne servait à rien de le garder pour plus tard. Bien sûr, Julius sera, je pense. Et comme Dante encore applaudit lorsqu'ils reviendront à New York, rares sont les joueurs qui sont hués, des anciens Knickerbockers à être hués. Je pense juste à Porzingis, en fait, en termes d'anciens de la maison, qui reçoit encore des fois des sobriquets venant de la part des tribunes du Madison Square Garden. Mais globalement, le public a été bienveillant et je pense qu'il le sera encore. Parce qu'il n'y aura pas à proprement parler une rivalité qui va s'installer entre les Minnesota Timberwolves et les Knicks dans les prochaines saisons, à part si on se rencontre régulièrement en finale. Mais bon, pour ça, on va attendre un petit peu. Voilà, je sais pas ce que tu en as pensé. Toi, tu aurais voulu le garder pour plus tard, mais bah là, c'est fait, c'était bien fait quand même. Je change pas trop d'avis sur le fait que ça méritait mieux. alors ça méritait en fait un vrai match de saison. C'est-à-dire quand le Madison est rempli, quand il y a un enjeu, quand les joueurs aussi sont en tenue. Parce que là, bon, bah là, tu avais Julius qui était en tenue de ville. Hein. Pour l'instant, il n'a pas encore repris le chemin des terrains. T'as Dante qui a été acclamé déjà au moment L'annonce du starting five, voilà, de son annonce. Là, pour moi, c'était trop tôt déjà ce match. Déjà, ce match était peut-être un peu trop tôt au vu des événements qui viennent de se dérouler entre les deux équipes. Mais j'aurais fait un petit truc. Merci Julius sur le Jumbotron. Merci Julius, merci Dante. À bientôt. Enfin, on se voit bientôt. Enfin, un truc, un petit teasing, tu vois. Et puis une vraie vidéo à chaque temps mort. Une pour Julius quand même parce que. Ben, parmi les deux, il y en a un, 5 saisons. il a quand même été 3 fois All-Star, 2 fois NBA. Enfin, tu vois, il a été quand même, il a fait beaucoup de choses. Le remercier en même temps que finalement un joueur qui a passé une saison, je trouve ça un peu court. Donc, Et puis au final, on n'a pas remercié Diop. On n'a pas remercié, non, on n'a On n'a pas pas remercié. remercié Diop. Je Bon, c'est quand sais. même pas très cool. Ouais, Après, mais. on n'avait pas dit de quoi faire une vidéo non plus. Hein, on l'a dit la Mais. dernière fois, c'était un montage Photoshop pour le mettre en tenue de match au moment de son départ. Mais oui. Mais voilà, donc tout ça pour dire que j'aurais attendu la saison régulière et j'aurais quand même distingué les deux joueurs. Leur niveau d'accomplissement n'est pas le même. Leur implication au sein de l'équipe n'est pas la même. Et le poids des joueurs, outre physique, mais le poids en termes peut-être d'impact player n'est pas le même. Donc j'aurais peut-être fait un truc un peu plus chiadé pour Julius. Et un remerciement un peu plus succinct pour Dante. Voilà, bon, c'est que mon avis. Voilà. Voilà, bah dites-nous en commentaire comment vous avez trouvé ce petit passage, ce petit moment. Est-ce que ça vous a plu de les remercier maintenant? Est-ce que vous auriez, comme Seb, plutôt préparé quelque chose d'un peu mieux, un peu plus construit pour le 19 décembre, je crois que c'est le 19 décembre, le retour des Minnesota Timberwolves au Madison Square Garden. Est-ce que Julius sera toujours un Minnesota à ce moment-là? On ne sait pas. On sait pas. Certains parlaient déjà de ne pas le faire rester. À voir. Bon, ce match était attendu. Ce match, il a fait parler. Ce match, il a beaucoup parlé aussi. Qui ça? Dante DiVincenzo. On connaît nos amis italiens qui ont des fois beaucoup de gestes associés à la parole. Bah, Dante, il s'est retrouvé titulaire sur ce match-là. On va parler du match après. On va reprendre l'ordre chronologique. On parle pas de Washington? On va parler de Washington. On va parler de Washington, mais on va parler du drama, parce qu'il y a toujours un Ah. peu de drama. Vous savez, les histoires de clash. Il y a eu un peu de bagarre. Bagarre, non. Il y a eu du trash talk sur Ouais. cette rencontre. Du moins, Dante était titulaire. Il avait envie de montrer des choses, montrer qu'il avait des belles qualités de basketteur. Et ça, on n'en avait aucun doute. On l'a vu sur un temps mort envoyer quelques mots en direction du coaching staff sur Pour le banc l'instant, des ouais. Knicks. Bon, ça semblait pas non plus très très véhément, mais voilà, il avait envie de parler, il avait des choses à dire, il en avait gros sur la patate. Après, il est vrai que dans les médias post-trade de 2-4, on a laissé entendre dire que il aurait été mécontent de son rôle depuis un rôle qui allait diminuer. Encore ça là-dessus, on n'en est même pas sûr. C'est reste que de l'hypothétique. Mais voilà, on a voulu lui en faire endosser un rôle de vilain petit canard, de celui qui n'était pas content de l'arrivée de Mikal, de son rôle réduit, et pourquoi pas trouver une raison, on va dire, à ce trade. Ça a été rapidement démenti par différents insiders américains dont on peut faire confiance dans la véracité de leurs informations. Et finalement, voilà, retour à la maison, il était content de retrouver les copains, ça s'est salué. Mais il y a eu un petit accrochage en fin de match avec qui ça? Brunson. Eh oui, Brunson, mais non pas Jalen Brunson, non, non, là c'était plutôt un accrochage physique et ils se sont fait des câlins, mais c'était un accrochage avec le papa Brunson, visiblement qui a pas dû aimer ce qui s'est dit pendant ce match, l'attitude de Dante. Bon, l'attitude de Dante, elle n'était pas non plus exécrable. Voilà, c'est un joueur qui était avec sûrement un petit peu d'amertume d'avoir déjà dû dire au revoir à ses copains, qui aurait sûrement aimé rester une saison de plus, même aller au bout de son contrat. Il aimait le Madison Square Garden, le public l'aimait. Mais voilà, le business NBA, c'est autre chose. Et il y a eu cette petite altercation en fin de rencontre, enfin, après le match. Sur le terrain, ils ont dû être séparés. C'était un petit peu curieux. On s'attendait pas à voir, voilà, un Rick Brunson qui venait un petit C'est peu pareil, disons que chercher ils étaient au milieu, les explications. il y a des gens qui se sont mis au milieu, quoi. Ouais. Mais le ton est monté. Voilà, c'était pas chaleureux. Ils auraient pu garder ça pour plus tard s'ils avaient besoin de discuter. Limite, ils pouvaient très bien se retrouver aussi en Non, dehors des c'est pas caméras. chaleureux, ouais. On le sait à New York, ça va très vite. On le sait maintenant à l'ère des réseaux sociaux et autres. Tout de suite, il y a des choses qui montent un petit peu. Comment dire, en viralité. Donc voilà, c'est la vidéo qui a un petit peu fait parler en ce lundi de cette nouvelle semaine. Bon, toi, tu en penses qu'il n'y a rien, qu'au final, on regardait aussi des déclarations de Dante dans le vestiaire après le match. Bon, c'était des bêtises, il n'y avait pas lieu d'avoir des disputes comme ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Moi j'étais ce peiné. drama, ce clash? Moi j'étais peiné en fait de voir ça. Bon, qu'est du clash. Bon, on sait les mecs ça rangue aussi, se galvanise. Voilà, un trash talkant finalement un peu l'équipe qui vient de quitter. Mais là en fait, je trouvais qu'il y avait énormément de frustration sur cette fin de match. Alors, Je ne sais pas si en fait Rick Brunson avait pris les mots qui ont été dits au moment des lancers francs de Donte pour lui. On a l'impression que Donte lui dit non, c'est pour Tibbs. Et du coup, est-ce que Rick Brunson vient défendre son coach, vient défendre le coaching staff? Dont il fait partie, c'est une équipe de coach finalement, donc. Dont il fait partie, surtout que avant le match, il avait été posé la question de savoir sur qui il voulait marquer un 3 points, 3 points clutch, un truc comme ça. Est-ce que c'était sur Mika, est-ce que c'était sur JB Hart? Il avait dit non, sur Thibodeau. Et bon, et là, donc là, il y a à nouveau, voilà, à nouveau durant le match, il y a une petite attaque de la part de Dante, qui fait d'ailleurs un super match. Un Ouais. super match. C'est lui qui Donc, ouvre le score, hein, si je dis pas de ouais, c'est lui bêtises qui pour ouvre le score. Minnesota Et magnifique dans la création, dans le 3 points. Enfin bref, du en Dante dans le texte. plus. Il a l'air de se plaire, on va dire, dans sa nouvelle équipe. Il a l'air de trouver sa place. Et pour moi, en fait, je pense que, bah, comme on l'a dit, il y a cette connexion Villa Boys ils l'ont touché du doigt parce que pendant finalement quelques mois, juillet, c'est juillet, le C'est trade compliqué, ouais. de Mikal. Donc juillet, août, septembre, les mecs savent qu'ils vont jouer ensemble, savent, voilà, ils sont potes, ils sont amis dans la vie, enfin, voilà, les quatre mousquetaires, quoi, on pourrait presque dire ça. Jalen Brunson l'a dit, Donte était mon témoin de mariage, il n'y a rien de plus à dire par rapport à ça. Enfin voilà, donc c'est vraiment une confrérie, la confrérie des Villanova Boys, quoi. Et puis là, il part, malgré cette super saison qui vient de sortir. Meilleur shooter à 3 points, en tout cas, dans l'histoire d'une saison. Et il s'en va dans le cadre d'un trade. Il est un peu sacrifié finalement, hein. On met lui avec Julius. Et je pense qu'il y a cette frustration, cette incompréhension de se dire mais pourquoi moi, pourquoi je pars? Même s'ils savent que la NBA est un business, peut-être qu'ils se disent mais pourquoi est-ce que le coaching staff nous a pas soutenus, ne m'a pas soutenu? Je pense que j'ai assez donné à cette équipe durant la saison. Vous avez pu voir que j'ai mis mon âme, mes tripes. J'étais peut-être pas assez bien pour Et vous, mais j'ai tout donné pour voilà, l'équipe et et on a fait de belles choses. je pense qu'après derrière, comme tu dis, il y a eu le fait d'avoir la presse à avoir voulu lui faire porter un peu le chapeau de ce trade en disant, regardez, le front office n'avait pas le choix parce qu'il allait mettre la mauvaise ambiance. Et lui, Ça après, faisait derrière. peut-être passer la pilule auprès de la fanbase qui l'appréciait énormément. Voilà. Pour Julius, on sait qu'il y avait un certain désamour d'une partie de la fanbase. Pour Dante, il faisait l'unanimité. Personne n'allait, même si des fois il n'était pas en réussite, ça reste du basket et l'adresse, ça va, ça vient. Mais voilà, il n'y avait personne qui allait émettre une critique sur le rôle de Dante. Il a surperformé la saison dernière. Allait-il pouvoir continuer à surperformer? On n'en sait rien. On le verra par rapport à sa nouvelle équipe. Mais ça Ouais. permettait peut-être de faire passer la Donc douloureuse en c'est disant pour non, mais ça. regardez, Dante, il voulait partir, quoi. Enfin, il n'était pas très content. Il voulait pas avoir son rôle diminué. C'est pour ça que je Donc pense ça. qu'il y avait tout ce mélange en fait. Il y a eu tout ce mélange. C'est pour ça que je me suis dit ce match est arrivé beaucoup trop tôt. Même si C'était ça pas reste de encore la digéré par pré-saison. tout le Mais monde. non, Ouais. ben, il a même pas un mois ce trade. Il a même pas un Ouais. mois ce trade. Et il y a toute cette frustration qui est là. En plus, tu joues au Madison Square Garden. Et Ouais. avec les déclats qu'il a dit, ce public a été incroyable cette saison. Ça Eh oui, sera on le sait, on le jamais sait. gravé dans mon cœur. Enfin, il a énormément d'amour pour ça. Et là, donc, tu le fais revenir dans cette ambiance. C'est presque malsain finalement. Et c'est arrivé trop tôt. Il faut pas. Je pense qu'il y a des mots, et d'ailleurs, on le voit bien à l'interview d'après-match, on sent qu'il n'est pas à l'aise, on sent qu'il regrette un peu, il Il est dit, gêné, ouais. ouais, voilà, il dit, je veux pas. Il voulait pas ça, il voulait pas se Non. prendre la tête Et non. avec les Knicks, avec qui Il que ce dit. soit, c'est une franchise qui lui tient à cœur Il dit bien, je veux pas faire de commentaires. Jalen Brunson, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami. Il dit, c'est mon frère, c'est mon meilleur ami. Et il dit, Rick Brunson, on va se parler. Je vais, qu'est-ce qu'il a dit? Je J'ai vais, arrangé ça je vais arranger ou on ça, va je vais régler t'expliquer. ça. Enfin bref. Donc il s'aperçoit bien que Je vais lui régler son compte. il est allé peut-être un peu trop loin, mais il faut pas Voilà. lui en tenir rigueur. Enfin voilà, comme a dit un insider. Brunson, DiVincenzo, c'est la même famille. C'est la même famille, ils sont extrêmement proches. Donc pour moi, c'est un drama sans être un drama. Je pense que c'est surtout la frustration qui a parlé, la frustration qui est sortie. On voit qu'en fait, il n'a pas digéré le trade. Et je pense qu'il doit être un peu malheureux parce que il était dans un endroit qu'il a affectionné avec des gens qu'il aime beaucoup. Et quelque part, on lui a enlevé peut-être ce rêve de jouer à quatre dans la même équipe. Et donc, c'est surtout voilà, de la grosse frustration. Et moi, je sais que j'étais. Quand j'ai vu ça à la fin, genre, j'ai tweeté après. J'ai dit, non, je suis dégoûté. Ça peut pas se Il n'y avait passer pas besoin comme de ça. ça. Ouais. Ça peut pas se passer comme ça entre lui et la franchise, quoi. C'est dommage. Voilà, c'est dommage, Mais mais. ça, là-dessus, je pense que les fans sont, ils verront clair. Effectivement, il va pas devenir le vilain. Il va pas devenir Non, l'ennemi non, numéro un comme on non. en connaît d'autres, hein, des Joel ou des Trey, quelque chose. Oh non. Mais Il n'y aura voilà, pas des comme tu l'as Fred Dante, dit. non. Non, non, il n'y aura pas de. Non, non, non, non, clairement pas. Clairement pas, c'est pas un joueur qui est réputé pour avoir un mauvais caractère. Oui, on l'a vu sur le terrain avoir de l'intensité et tout, C'est normal, mais il fait jamais des c'est lui. mauvais gestes, il part Non. rarement à la. Quoi qu'à la bagarre, si une fois, je crois qu'il s'était mêlé un petit peu Ah bah devant sur Joël, un intérieur. devant Mais Joël, ouais. voilà, c'est pas un mauvais joueur, c'est pas un dirty player. Après, comme tu l'as dit, les Knicks, c'est une famille. Les Nova Boys, c'est une famille. Et des fois, dans les familles, on se dispute. Bon, bah voilà, il aura du mal. Il a mis du temps, peut-être. Il lui fera du temps pour digérer ce départ. Mais nul doute qu'il a trouvé une belle équipe et un beau terrain d'accueil, une belle nouvelle famille d'accueil chez les Wolves. Et je pense que, voilà, ça passera avec le temps. Ça passera avec le temps, tout simplement. Oui, il faut que Rien de grave. il faut Rien de que... grave. d'ailleurs Pas de drama cette année. d'ailleurs Pas de drama. c'est Chris Finch le coach des Timberwolves qui a dit il a dit ce trade est tout frais, on n'a même pas eu le temps encore de le digérer parce que lui il parlait aussi par rapport à Kat évidemment et il disait voilà il faut dans un an on verra les choses différemment mais là pour l'instant en tout cas c'est vraiment trop frais en fait et ce match ils auraient dû l'annuler, le décommander, faire autre chose. Il est arrivé trop tôt. C'est arrivé trop tôt pour moi. Pourtant, sportivement, en match de pré-saison, c'est plutôt intéressant et on va venir dessus. Mais voilà, Le match, c'était Dante. pas, le match, certaines séquences, en tout cas, il était haletant parce que là, tu as affronté une vraie équipe avec de grosses ambitions aussi. Donc voilà, c'est sans faire Allez, un offense. dernier truc. Un petit what if. Imagine si c'est Julius Randle qui s'était pris le bec avec Rick Brunson. Peut-être qu'on n'aurait pas les mêmes réactions. Là, pour Dante, Ah, c'est allez, sûr. on passera l'éponge. On passera l'éponge. Alors, l'éponge, oui, l'ardoise, peut-être, on va faire l'addition, on va regarder où en sont ces Knicks en pré-saison. Et ben, 3 matchs, 3 victoires. Voilà, si vous n'avez pas vu le match de cette nuit, enfin de la nuit dernière, on vous spoil le résultat. Les Knicks se sont imposés face aux Wolves, certes. Bon, mais avant de jouer les Wolves, ils ont joué les Washington Wizards. C'était le premier match à domicile, match de pré-saison. Et bah, il y avait des choses intéressantes à voir, comme tous les matchs de pré-saison. Alors il faut aussi savoir se mettre un petit peu en mode, ce n'est que de la pré-saison, pas prendre tout pour argent comptant par rapport aux rotations. Beaucoup critiquent les rotations de Tib, même en pré-saison. Eh ben non, sur ce match, il y a eu un banc qui a été ouvert, il y avait des absences, il n'y avait pas de Juice. McBride ne jouait pas sur ce second match de pré-saison. Il avait été plutôt très bon à Charlotte pour le tout premier match. Il n'a pas pu jouer pour le second. On a eu un Jericho Sims qui, semble-t-il, s'est blessé dans la rencontre. Il a eu que quelques minutes de jeu et rapidement remplacé par Ariel Houkporti. Voilà, l'intérieur allemand drafté en fin de second tour. Et qui a fait une plutôt belle prestation, un bon passage pour un joueur de profil backup, pour un joueur rookie. Hein, donc on va lui laisser aussi le temps de faire des Pour un erreurs et joueur de d'apprendre fin fond de le jeu second NBA. tour. Ouais, mais il a montré plutôt de belles choses, une belle disponibilité, une belle polyvalence, une belle mobilité en tout cas. Il a su être trouvé par ses coéquipiers. Et puis voilà, c'était le premier match au Madison Square Garden, donc aussi l'occasion de trouver ses repères, ses marques dans une nouvelle salle pour Karl-Anthony Towns. Bon, on le sait, il shoote beaucoup à 3 points. Pour l'instant, l'efficacité, c'est pas tellement ça. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, autrement, sur ce second match de pré-saison? On avait eu Tyler Collect, qui s'était montré plutôt très bon, encore une fois, en termes de QI basket, de court vision. Pas comme Dadier, bah, ça reste sur le banc pour l'instant. Il était Blessé, blessé, blessé, ouais, mais on il l'a voulait le voir pas visiblement. vu non plus. Ils auraient souhaité le faire jouer, mais blessé, donc. Alors, ce que je vais dire, mais ça regroupe un peu les deux matchs, mais c'est, je trouve que des fois, Karl-Anthony Towns est un peu la parodie de lui-même. La caricature Ouais, du shooter qui c'est-à-dire shoot. que souvent, pas en première intention, on prend le ballon. Non, non, mais regardez, je suis le meilleur intérieur shooter. Boom, alors que des fois il y a des meilleurs choix et ça shoot trop vite. Alors que c'est pas le jeu des Knicks de shooter aussi vite. En tout cas, l'année dernière, on était l'équipe avec la pace la plus basse. Alors que vraiment, on jouait demi-terrain, hein, le jeu de transition très peu. Et là, en fait, ça remonte le ballon, première intention, boom, shoot. Bon, en sachant qu'en plus, bah, c'est lui l'intérieur. Donc, il n'y a personne pour aller chercher le rebond en cas de loupage. Donc. Et ben tu dors, tu redonnes finalement une cartouche à Des l'adversaire munitions à l'adversaire. assez rapidement. Et donc j'ai trouvé ça par moments un peu. Enfin, en tout Pas cas. assez construit, trop Ouais, précipité dans certains choix de shoot, quoi. ça me plaît pas des masses. Je suis pas hyper. Voilà. J'ai été hypé par la défense qui, à un moment donné, a décidé de resserrer. Et quand tu vois Hart, Mikal Bridges et Ojanunobi Ojanobi. ensemble. Défendre ensemble. Switcher comme ils peuvent parce qu'ils ont pas de Ah ouais, problème. un C'est des enfer. profils Un enfer. comparables, on va dire. Un Ouais. enfer. Tu sens que Mikal est plus véloce, déjà plus skinny, plus véloce. Ça passe plus facilement bah, Sous les écrans. sous les écrans, exactement. Donc, tu sens un OG plus costaud qui, lui, va se charger plus des intérieurs, plus du contact. Une Et un. certaine forme de rim protection Voilà. également de la part d'OG, d'aller chercher certains rebonds là où Kat est au large. Donc il y a peut-être aussi un rôle qui est en Et train de Art. se réguler vis-à-vis d'OG Anunoby, qui la saison dernière, on l'a plus vu jouer à côté de Julius Randle, même si Julius a été absent pour les blessures qu'on connaît. Mais effectivement, il y a des joueurs qui cherchent leur rôle et qui peut-être se compensent ou se compensent les lacunes des uns des autres. Ben Et ouais. effectivement, quand tu as parlé de l'intensité défensive, on a vu de très belles séquences, mais c'était surtout nos ailiers. Karl-Anthony Towns, il y a du rebond, il y a quelques contres par-ci par-là, mais voilà, c'est pas la qualité première Karl-Anthony qu'on Towns attendra de sa part. finit un double-double, tu vois. Donc il finit quand Oui. même. Tu te dis, waouh, il finit un 25-12, alors que pour l'instant, il faisait un match pas ouf. Ok. Ben disons qu'il ne faut pas trop regarder les pourcentages, Voilà, il hein, est allé chercher là-dessus. ses points, il est allé chercher ses points au lancer franc Sur la ligne, notamment. ouais. Là où j'ai plus de soucis, c'est dans le rôle de Josh Hart. C'est-à-dire que Ouais, il là. est plus en retrait quand même, C'est-à-dire que hein. là, en fait, ça fait les trois matchs. Je crois que le premier, il n'avait pas scoré. Là, encore une fois, il n'a pas scoré. Et hier, il n'a pas scoré et il n'a même pas pris de tir. Et alors, tu regardes sa ligne de stats, elle est remplie, hein, hormis les points. Mais contre par exemple, ben, Washington, il finit à 6 points, 5 passes, 3 vols de balle, un bloc. Vu comme ça, c'est plutôt pas mal C'est pour propre. quelqu'un qui intègre un starting five et où il y a Mais déjà d'autres demandeurs de ballon. Hein. offensivement, tu joues pas avec lui. Bah, Et. offensivement, ouais, il n'est pas menaçant, quoi. On n'a pas retrouvé le Josh Hart aussi qu'on pouvait Oui, c'est avoir ça la le saison problème. dernière, qui par moment partait en coast to coast, donnait un rythme, une impulsion. Ouais. Bon, il faut aussi que lui s'adapte, Alors, il parce y que a. certes, il a fini dans le starting five l'année dernière, mais c'était par les blessures qu'il a hérité de ce rôle. Là, il a des gens qui consomment du ballon, Towns. OG aussi, il a envie de scorer, on le voit. Mikal par séquence. À un ballon et je trouve que ben, Josh Hart voilà en attaque alors il y a une complicité tu vois que il y a tout de suite un lien avec Mikal Bridges ça se trouve facilement ça se voit ça se trouve facilement il n'aura pas fallu 30 ans pour créer une connexion il l'avait déjà ils se connaissent boum c'est-à-dire c'est Ils se sont retrouvés, voilà quoi. c'est Ils se comme sont faire du retrouvés. vélo ça fait 10 ans que tu n'en as pas fait tu remontes dessus tu sais en faire c'est la même chose là tout de suite ils se retrouvent et ben même Mikal Bridges je trouve qu'il a du mal à trouver sa place. Parce que c'est vrai que Jalen Brunson, évidemment, c'est le meneur, porte énormément la balle. Est-ce Ouais. que c'est fait exprès? Mais ça cherche beaucoup cette connexion entre Un lui et 5, ouais. Kat. Ça cherche beaucoup à jouer entre eux. On l'a dit, Kat prend beaucoup de tirs rapides à 3. Donc forcément, eh ben, ça limite ben, les phases de jeu où tu peux impliquer les copains. Et donc, ils jouent beaucoup tous les deux ensemble. Et ça oublie un peu les autres. Un peu des Alors, fois au détriment des coéquipiers qui vont attendre leur tour. et Un tour qui va venir des fois aussi parce qu'il va y avoir des rotations. ça Et on joue. voit entre autres Mikal Bridges plutôt être des fois avec les joueurs du banc. Alors, Donc. est-ce que ça va être là finalement son impact? C'est-à-dire que quand tu vas avoir Kat et JV qui vont sortir, c'est lui qui va prendre le jeu à son Option compte numéro 3, quoi. Ouais. avec la seconde unité, pourquoi pas? Mais je trouve que ça joue trop les uns après les autres. et pas ensemble. Alors, ce n'est que de On est l'appréciation, encore en rodage, c'est mais que de l'après-saison, les temps de jeu sont pas encore non plus, voilà, temps de aussi jeu à ça. définitif. L'après-saison, ce sont des matchs amicaux, ils savent à créer des connexions. Donc peut-être que c'est fait exprès, peut-être qu'on leur a dit, voilà, axez-vous spécialement 1-5, il faut qu'on crée une menace 1-5. On sait que JB avait du mal, en tout cas, à trouver ses pivots. Là, il en a un qui est fort offensivement, peut-être moins fort défensivement, mais voilà. Il doit Donc, l'impliquer. Il doit l'impliquer, il doit l'intégrer dans le jeu. mais voilà, après, OG, pour l'instant, c'est bon. Il a ce petit shoot qu'il arrive à se créer mid-range, qui est toujours létal. Quand il pénètre là en tête de raquette, là, ce petit shoot là au niveau de la ligne des lancers, ça rentre ça en fermant les yeux. Il le maîtrise parfaitement, ce petit mid. Et puis pour l'instant, voilà, Mikal Bridges se cherche un peu. Tu as également bah, Jalen Brunson qui, pour l'instant, tu sens il est en phase de reprise, de chauffe, Ouais, mais c'est de mieux en mieux, j'ai l'impression, Ouais, en fait. réglage de mire. Ouais, ça va un peu mieux. Même si hier, le premier quart-temps était compliqué. Après, pourquoi est-ce qu'il est compliqué? Il y avait de l'adversité qui était aussi à un ton un peu supérieur à ce qu'on a vu face aux Wizards et aux Hornets. Anthony Edwards qui défend sur Jalen Brunson, c'est un client quand même. On a vu Ouais. cet été avec Team USA quand il souhaite se mettre. Comme on dit plus vulgairement, le cul par terre en termes de défense, il est Ah, plutôt mais désagréable on est à avoir sur le dos ce Anthony Edwards. Anthony Donc, Edwards, c'est un monstre. Et puis en plus, hier, quand il a la réussite à 3 et où ça rentre en fermant les yeux, ça en devient rapidement presque injouable. C'est-à-dire que Alors moi, je me suis. heureusement que c'était que de la pré-saison parce Oui! que ils ont été Ah, il sortis, fait un carton. mais à ce rythme-là, je pense que Minnesota pouvait repartir avec la victoire, non? En saison régulière, il fait un carton. En saison régulière, il finit à 40 points. Déjà, il était à 31. Donc, je pense qu'en saison régulière, il va chercher les 40-45 Et la win. avec des stats hallucinantes et la win. Ouais. Et Et surtout qu'en peut-être la plus de win. leur côté, ils ont vraiment aussi cette connexion qui est en train de bien se créer entre lui et Dante. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire. Il se trouve, en tout cas, lui, Dante DiVincenzo le trouve assez facilement. Et il a ces qualités playmaker qui font que ben, si tu ne le défends pas, il va te punir parce qu'il va finir au cercle. Mais Évidemment. si tu le défends, mais il a quand même une qualité de passe qui fait qu'il va trouver un copain au large. Et ils ont du shooter avec des Jalen McDaniel, avec des Naz Reid, à mon avis, avec des Anthony Edwards. Donc ben, c'est vrai que rapidement, tu peux être en difficulté. Cette équipe de Minnesota va encore jouer enfin, les premiers rôles à l'Ouest et pour les playoffs. Mais pour en revenir aux Knicks, ouais, ces deux matchs, j'ai trouvé que lorsqu'on voulait défendre. Cette équipe va être très dure à attaquer. Ils sont voilà, les trois. Et même un Jalen Brunson en tête de raquette qui traîne, tu vois, en mode Ouais, qui pique des ballons, il y a quelques interceptions. je récupère les ballons, je tape dedans. Voilà, c'est quand même embêtant. La seconde unité, peut-être, c'est Alors, là. avant de parler de la seconde unité, on va parler des joueurs du banc qu'on a plus vu sur le match de Washington que sur le match des Wolves. Mais un autre élément, moi, sur lequel je veux revenir par rapport aux joueurs majeurs, oui, il y a une application défensive et il y a aussi une grande facilité à se projeter vers l'avant. On a vu deux, trois fois Mikal Bridges qui, derrière, coupe dans le dos de la défense et va marquer les paniers facilement parce que JB va le trouver, parce que OG va le trouver. Donc il y a aussi cette capacité à se projeter vers l'avant assez rapidement, à jouer vite. Ça va peut-être aussi être une marque de fabrique du jeu qu'on va voir des Knicks cette saison. Il y a des séquences qui seront ralenties et bah, ça sera peut-être un peu plus compliqué de trouver les ouvertures dans les défenses adverses. Et face aux Wolves, il y avait une sacrée défense. Mais voilà, il y a aussi parfois des automatismes qui reviennent assez vite. On a perdu Dante, on l'a dit, et on le voyait la saison dernière, le Dante qui allait piquer ses ballons en tête d'attaque et pour finir au cercle assez vite derrière. Et bien là, avec Mikal, je retrouvais qu'on pouvait avoir ces petites séquences. C'est des joueurs entre lui et OG qui sont relativement avec une belle envergure, qui vont chercher les interceptions sans provoquer les fautes. Ça, c'est plutôt intéressant. Les fautes, Anthony Towns, voilà, il a peut-être quelques difficultés. C'est pas le seul intérieur à avoir des difficultés avec les fautes, hein. Ah. Jericho, si tu nous entends. Oh là, Mais une voilà, en faute en tout 13 cas, minutes, c'est presque un record, quoi. les ailiers savent défendre fort sur l'homme et se projeter assez vite vers l'avant. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour diversifier aussi les systèmes d'attaque. c'est de la contre-attaque, c'est de l'attaque en transition, mais plutôt intéressant. Donc moi, sur les joueurs majeurs des Knicks, qu'on a pu voir quand même beaucoup, certains vont dire « Ouais, il y a déjà trop de minutes données, ça ouvre pas assez le banc. » Ben non, le starting five, il a beaucoup changé. Il faut créer cette alchimie, ces automatismes, et cette façon de jouer ensemble. Pour Karl-Anthony Towns, il shoot beaucoup à 3 points et ça rentre pas. Il va falloir qu'il trouve ses, qu'il règle la mire, qu'il trouve ses sensations. Tu sais, tu regardes, par exemple, hier le match. Alors, on a je te donne les minutes du 5. Hart, 25. Brunson, 24. Towns, 29. Anunoby, 29. Michael Bridges, 30. Ok. Tu regardes en face. Anthony Edwards, 27. Dante, 27. Mmh. Rudy Gobert, 28. Après, Jalen McDaniel, 18. Et il n'y a pas de Nasri, faute, McDaniel, d'entrée de jeu aussi. Et, ouais, et lui, il a fait 5 fautes durant le match, donc il est sorti. Donc, ouais. Tu t'aperçois que... Tu vois, au niveau des minutes distribuées, bah, les cinq ont beaucoup joué, les deux. Oui, oui, oui. Non, mais il y a beaucoup, de malheureusement, de clichés qui collent à après, la tu vois, le dernier quart. Après, tu vois, le dernier quart, ce sont les deux secondes unités qui sont... Les secondes unités qui ont joué, ouais. Entier, ouais. Voilà. Les équipes se sont fait le match réellement sur trois quarts-temps et le dernier quart était plutôt pour ouvrir les bancs parce qu'on s'est dit, oh, au fait, c'est de la pré-saison, faut qu'on teste des joueurs, il y en a qui ne sont pas encore sous contrat, donc voilà. Mmh. Mais effectivement, y a un besoin à New York de aussi recréer des automatismes, se trouver. L'axe 1-5, on l'a dit, il n'était pas développé à New York auparavant parce que Jalen Brunson, il n'allait pas gaver de ballon Mitchell Robinson qui avait peu de choses à lui proposer offensivement parlant. Jericho Sims, pareil. Preshusatsua, on arrive à le trouver de temps en temps, mais voilà, c'est pas non plus un grand attaquant, même s'il est très vaillant et qu'il peut proposer quelque chose d'assez varié aussi. Mais voilà, non, il y a besoin d'impliquer Karl-Anthony Towns qui s'acclimate à cette nouvelle salle, cet nouvel environnement. Pour l'instant, en termes d'adresse, ça rentre pas dedans. Le jour où ça va rentrer dedans, ça pourra faire mal, mais c'est pas encore venu, c'est pas en tout cas en pré-saison. J'espère qu'il ne va pas attendre la réception des Wolves le 17 décembre pour pouvoir canarder et tout mettre dedans. Il va falloir qu'il retrouve ce côté létal à 3 points. Mais bon, il alterne, il varie. Et malgré tout, il finit en double-double. Des fois, c'est peut-être un peu forcé. Les pourcentages ne sont pas très bons. Mais ça passe quand même. Donc voilà. C'est un joueur qui risque d'attirer les critiques s'il ne performe pas, s'il abuse, s'il est la caricature du joueur qu'il est. Mais je pense que comme tout bon shooter, c'est aussi une question d'avoir les bons passages. Et ça reviendra pour Karl-Anthony Towns. C'est pas que des shoots forcés qu'il prend. Il prend des shoots qui sont ouverts. Oui. Ça rentre pas, ça rentre pas. Oui, les évidemment. Shoots sont bons. Refuser un shoot ouvert, c'est pas la bonne attitude. Marquer des shoots ouverts, c'est toujours mieux. Ça finira par rentrer. Mmh. Ça finira par rentrer. Oui, oui, non, non. Les shoots sont ouverts, t'as raison. Et par contre, si on parle maintenant de la seconde unité, des joueurs du banc, alors on les a plus vus sur le match face aux Wizards, un peu moins sur ce match face aux Wolves. Du moins, tous n'ont pas joué. On n'a pas vu Tyler Colec sur le troisième match. Non, c'est dommage. Plus sur le deuxième. Ouais. On aurait aimé le voir un peu plus. Mais ça aussi, c'est peut-être un signe d'une hiérarchie qui est en train de se dessiner avec un Deuce, Miles McBride, dans un rôle de sixième homme. Pour lequel on lui donne un petit peu carte blanche pour jouer offensivement comme bon lui semble, en compagnie de Cam Payne, qui a des bons passages comme des passages un peu plus douteux, mais qui tout de même est en capacité de produire du scoring à 3 points. Donc faut pas tout jeter avec Cam Payne, il y a de l'expérience, c'est pas le joueur qu'on préfère. Certains aimeraient déjà voir Tyler Colec lui passer devant dans la rotation, mais semble-t-il que Thibodeau lui fait confiance et fait confiance à son expérience aujourd'hui dans la rotation. Et pour preuve, sur le match face aux Wolves, il n'a pas accordé de temps au rookie, il a gardé son temps de jeu à Payne, McBride, Landry Shamet qui est plutôt aussi intéressant, enfin moi c'est ce que j'ai trouvé, capacité à écarter le jeu par sa menace offensive à 3 points. Et puis la paire d'intérieur, le triplette, Precious, Jericho Sims et Hugh Porty. Bon, vous les classez dans l'ordre de préférence, même si vous mettez Sims en dernier, il n'y aura pas de souci avec ça. Donc des joueurs du banc, une rotation qui est quand même présente, une seconde unit qui apporte un peu de profondeur, après avoir les passages des uns des autres. On a vu un petit bout de TJ Warren sur le match face aux Wizards, mais vraiment qu'un petit bout. Pas certain que ça soit suffisant pour décrocher un contrat. Alors que Shamet, je pense que là, c'est bon. Hein. Il n'y a plus qu'à attendre que l'encre sèche sur le contrat pour officialiser son rôle pour la saison à venir. Toi, est-ce que tu avais d'autres éléments sur lesquels tu souhaitais revenir par rapport à la seconde unit ? des choses qui t'ont plu, au contraire, des choses qui t'ont inquiété. Non, bah on a eu la confirmation que c'était McBride qui sortait en premier du banc. Ça fait deux fois d'affilée, donc ça se passe ainsi. C'est-à-dire à 3 minutes de la fin du premier quart, Il remplace JB on a ou... JB qui sort et on a McBride qui rentre. Donc Sans pour autant totalement jouer meneur. Hein. C'est un combo, il va jouer, il va alterner sur les postes 1 et 2. Mais voilà, c'est souvent lui qui sort le premier du banc. Donc ensuite, là-dessus. je pense qu'un campaign, ouais, comme je disais, va beaucoup nous énerver sûrement cette saison. Mais il a cette faculté, déjà d'une, il a ce flotteur aussi. Ouais. Il a ce petit flotteur qui marche très bien. Qui marche très très bien. Hier, il l'a fait 3-4 fois. Ça marche Ça marche bien. pas tout le temps, Ouais, mais en tout cas, mais. ça apporte une alternance. En tout C'est pas cas. qu'un shooter à 3 points. Ouais, mais il l'aimait. Oui, en tout cas, c'est un geste qu'il maîtrise. J'ai trouvé aussi que, après, il a ce shoot atypique à 3, mais qui Ouais, un rentre. peu. Il a toujours, mis des 3. Donc ça... Et puis, il a cette faculté, je pense, qui va, à un moment donné, peut-être, s'il n'est pas trade, s'il est conservé durant la post-season, c'est d'arriver à rentrer dans la tête parce qu'il parle. Parce qu'il te colle, parce qu'il donne un mauvais coup. Tu sais, c'est genre, il a 30 balais ce type-là, il a bourlingué, il a Ouais. un bon mal d'équipe. Il connaît la NBA, il connaît les codes de la NBA, il connaît le rôle, hein, comme on dit. La NBA, le plus difficile, c'est de trouver son rôle. Lui, il connaît son rôle. Voilà, c'est le trublion qui sort du banc et qui est là pour mettre la zizanie. Alors, en effet, il y a peut-être un déficit de talent. Peut-être que c'est moins glam. Moins esthétique qu'un collègue qui lui est plus dans le playmaking. Mais peut-être qu'il faut aussi des joueurs dirty comme ça, des joueurs qui vont rentrer dans la tête parce qu'ils en ont rien à foutre, c'est des crânes brûlés. Et je sais pas si j'arrive à me faire comprendre dans ce que je veux dire, mais ce genre de joueur peut être C'est pas important. le joueur dirty par excellence, mais ceci dit, on a besoin aussi de ça et puis de cette expérience. Mine Voilà. de rien, il y a quand même une certaine expérience. Oui, on a peut-être envie de voir le rookie Tyler Collect prendre sa place parce qu'il montre de très belles Mais choses sur des temps de jeu peut-être assez qu'il courts. sera trop tendre dans certains moments, en fait. Et puis il faut lui laisser le temps d'apprendre. La NBA c'est long, une saison rookie en plus c'est long. Vous connaissez toutes les histoires de Rookie Wall. Donc aujourd'hui, avoir une paire Collect Campaign dans l'ordre que vous voulez. C'est peut-être pas déconnant, ça peut apporter des choses complémentaires, différentes. L'un va être plus un playmaker, l'autre va plus être un scoreur. Mais faut pas négliger non plus Campaign. C'est pas lui qui va devenir le chouchou du gardien du jour au lendemain, clairement C'est pas. comme Mais il alors peut nous rendre des services, quoi. voilà dans un état d'esprit tout autre, c'est comme un Chamet, c'est un mec qui a bourlingué aussi, connaît la NBA, connaît ses codes et c'est son rôle. Et c'est important en fait d'avoir des mecs de banc qui savent que ce sont des mecs de banc et qui Des n'auront role-players aucune qui autre connaissent voilà leur mission et qui ils vont n'auront pas avoir aucune autre des prétention exigences. exactement. Qui Ouais. durant la saison vont pas gueuler parce qu'en fait ils sont pas rentrés durant un match. Et parce que on lui dira oui mais t'as signé pour ça, ton contrat était à cette hauteur-là, et c'est comme ça en fait. Donc ces mecs-là savent ce qu'on va leur demander. Ils le feront plus ou moins bien, selon les matchs, hein, parce que sinon ça serait des stars s'ils faisaient toujours tout bien. Après, voilà, comme t'as dit, la rotation, je pense que Commence à se dessiner, quoi. la rotation backcourt est plus ou moins établie, c'est-à-dire que. Je pense que Chamet sera sûrement Oui. pérennisé. Et Enfin, tu on sais serait que surpris de ne pas voir sa signature, là. pour l'instant, ouais, peut-être qu'ils attendent, je sais pas. Mais je pense qu'il le sera. Hein. Quand tu vois un Chuma Okeke il part rentrer hier. Hein, donc c'est à nouveau Chamet. Chamet a fait les 3 matchs. Je pense qu'ils vont rapidement se mettre d'accord. Donc tu vois que finalement, on est sur Deuce McBride, Cameron Payne, Alandry Chamet. Bon, ça manque peut-être un peu de playmaking, mais De bon. taille, de taille aussi. Mais On est pourquoi sur des pas? joueurs qui sont pas. Landry Shamet peut être un peu sous-dimensionné pour Ellie. Hein. Après ça, voilà. Après, le front court. Alors là, on a vu que On a un chantier. on a vu qu'un Achua était plus 4. Il jouait Oui. plus à côté d'un pivot de métier. Et il joue plus 4. Voilà. Donc après, est-ce que vraiment c'est un 4? En sachant qu'il n'a pas de shoot externe, Hier, bon, il a mis cette espèce Ah, il en prend un ou deux, ou il fait du mid-range parfois, donc. Mais c'est pas là son rôle, là. Lui, c'est un Non, non impact. plus. Voilà, c'est. Donc, bon. C'est coupe au panier, va batailler au C'est rebond, ça, c'est. éventuellement dissuade avec un contre ou deux, Et le truc, et c'est que. Et le truc, c'est c'est ça que. sa mission. Et le truc, c'est que tu as. Tu as, en fait, finalement, deux pivots backup, hein, que ce soit Sims ou Porty, qui sont finalement dans le même état d'esprit, c'est-à-dire des joueurs Un d'intérieur. peu interchangeable, quoi. Donc, en fait, tu joues avec une paire d'intérieur saut années 90, avec une paire d'extérieur très années 2020, c'est-à-dire très je shoot à 3, très voilà, on est des shooters à 3, mais à côté de ça, tu as. Alors, peut-être que c'est fait exprès, hein, pour récupérer les rebonds, pour les. Mais c'est vrai que pour l'instant. Achua Sims, Achua Porty, c'est pas très complémentaire. C'est pas. Voilà, c'est pas ce qui se fait de mieux. Bon, c'est la seconde unité. On verra par la suite de la saison, c'est que Sims a les faveurs de Thibodeau. Ah oui. Peut-être qu'il a un dossier sur lui, il a une sextape peut-être de Thibodeau, on ne sait pas. Ou qu'il Pour joue. les soirées de Didi. Mais on l'a dit, cela ne nous regarde pas. Voilà, mais bon, en tout cas, il doit avoir quelque chose pour qu'il ait autant. Les bonnes grâces du coach. À voir si ça dure. À voir si ça À dure. voir Parce si que ça ce dure. passage face aux Wolves de Sifo pendant Hier, 13 minutes, très dur. ça plaide clairement pas en sa faveur. Très Il dur. n'avait pas très peu joué le match d'avant parce que soi-disant blessé. Alors voilà, on n'est pas dans l'intimité des vestiaires. Il y avait sûrement une gêne. Mais ça fait deux sorties de pré-saison où il n'est pas vraiment à son Attention, avantage. en règle générale, il Sur le est. premier match face aux Hornets, bon, c'était En pas du règle grand générale, il n'est Sims, pas à son mais avantage. Il a toujours le mauvais timing pour attraper un rebond. Sa c'est le problème. défense sur les mecs quand ils pénètrent, tu sais jamais trop ce qu'il va faire. Tu as l'impression qu'à Il un a moment donné, il va contré les une fois attraper. Rudy. Il a contré une fois Rudy. Ouais, C'est oui. bien, c'est Que, bien. ouais. Dans le deuxième quart, ouais, il a contré Rudy. Ouais. Mais sinon, il n'arrive pas à défendre. Comme je te dis, mauvais timing au rebond. Il a pour lui qu'il est grand. Et qu'il Athlétique. a, et qu'il a un corps de bodybuilder. Mais on voit quand même que Hugues Porty est plus un joueur de basket, quand même, dans ses attitudes. Donc, Disons comme je te que dis. sa formation en Europe lui a peut-être plus Voilà. servi que le passage à Donc, Texas à voir pour pour la ça. suite. Mais c'est vrai que cette seconde unité peut poser des questions, on va sûrement nous poser des questions. On a un 5 fort. À voir comment est-ce que les minutes vont être partagées. Parce que là, pour l'instant, on l'a vu, hein, c'est full 5, full banc. Full 5, Oh, full banc. y a le petit passage Mikal avec la seconde Ouais, unit qui dure pas très longtemps, et puis mais voilà. on a vu aussi un 5 GB Campaign, Mikal, Kat et Achua. On l'a vu ce Oui, c'est cinq. ça, pré-shoot avec Voilà. 4, on a vu quelques passages. On l'a vu ce Donc cinq. voilà, c'est ça aussi la pré-saison, il Mais faut très arriver à peu. saisir ces petites séquences, Très très très peu. voir si c'est des choses qui produisent, et je pense que le coaching staff travaille là-dessus, Oui. pour voir un petit peu les associations qui fonctionnent, celles qui fonctionnent moins bien, aussi en fonction de l'adversité. Après, est-ce Là, on avait que une paire Gobert-Nazrid, pour c'était l'instant. pas forcément non plus le genre de raquette qu'on affrontera chaque soir, Est-ce mais. qu'un Hart va rester dans le 5? Est-ce qu'il ne serait peut-être pas mieux en sortie de banc? Alors, comme on dit, et comme dirait Jacques Pas Monclar, sûr. comme dirait Jacques Monclar, le principal, c'est pas l'équipe qui débute, c'est l'équipe qui finit. Donc, Ouais. est-ce que ce type-là, il peut avoir tout autant ses 25-30 minutes en sortie de banc? À voir, est-ce qu'il produirait différemment? Parce Ouais. qu'aujourd'hui, Josh Hart, effectivement, est en retrait en termes de scoring. Mais limite, avec OG, avec Mikal, Oui. avec Kat, avec JB, Mais c'est quand même c'est pas embêtant. lui qu'on attend au scoring. Ouais, mais Mais on un le joueur de trouve en retrait basket, comme on l'avait trouvé en retrait la saison dernière. un joueur de Donc, basket, c'est bien aussi que des fois ils mettent le ballon dans le panier, quoi. C'est quand même c'est ça son certain, rôle, hein. c'est C'est certain. Il faut pas qu'il tout de la arrive à défense, trouver voilà. ces petits moments de liberté, mais est-ce qu'en seconde unit, il en aurait plus? C'est pas certain, donc à voir. Justement, c'est toujours un équilibre un Ouais, petit non mais peu je posais une compliqué à question, hein. trouver. Je n'avais pas la prétention d'avoir la réponse, Non. Et puis mais. après, l'équipe qui commence, l'équipe qui finit. Bon, là, l'équipe qui finit en ce moment en pré-saison, ça serait un mode blowout toute la saison si on termine avec ces finish 5. C'est tout le mal que je nous souhaite, mais je doute que ça soit le cas pour toutes les rencontres qui vont venir. En tout cas, voilà, c'était des choses intéressantes tout de même à voir. On n'a pas vu Paco Mtadié. Est-ce qu'il faut Non, blessé s'inquiéter? au Il est doigt. jeune, Blessé au doigt. Blessé au blessé. doigt. Ouais. À voir, il va rester deux matchs de pré-saison. Ça Ouais. sera peut-être l'occasion de tester. Si c'est pas là, ça semble compliqué pour la suite de la saison régulière. Il y aura vraiment des bouts de matchs. Et pour l'instant, ils sont déjà pris par d'autres personnes dans la rotation. On avait fait quelques projections sur l'émission précédente où on s'était projeté sur les line-up qu'on pourrait voir, le starting et la seconde unit. Bon, moi j'avais opté pour un Paco en me disant qu'il y avait peut-être une place sur les ailes. Aujourd'hui, Chamet a l'air d'avoir les faveurs du coach et Ouais. il les rend plutôt bien sur le terrain. Donc, à voir si sur les deux matchs qui vont rester à disputer par les Knicks en pré-saison, on peut retrouver une petite opportunité pour le tester et pourquoi pas faire une belle sortie. On va voir tout ça parce qu'on va regarder le programme de la semaine. Donc, on perd pas de temps, on bascule sur le programme de la semaine et puis on va boucler l'antenne, on rendre l'antenne après tout ça. Hein. Allez, c'est parti, on regarde les derniers matchs de pré-saison des Knicks pour cette semaine. Alors les enseignements, il y en aura encore d'autres à prendre et puis voir l'état de forme. Espérons qu'il n'y ait pas de blessure. C'est peut-être pour ça que la signature de Landry Shamet doit attendre la fin du training camp. On ne sait pas. Et donc là, on aura deux matchs. Un match à domicile, à la réception des Charlotte Hornets. C'était le tout premier match de pré-saison avec LaMelo Ball, le Tijan Salin, Miller, l'autre Bridges. Enfin bref, vous connaissez ces Charlotte Hornets, on les a déjà rencontrés. Les Knicks s'étaient imposés sur le premier match. Vont-ils s'imposer sur le second? Bon, on n'est pas trop inquiet au regard de l'opposition. On va surtout, encore une fois, regarder les rotations, voir si ça s'ajuste un petit peu, si Karl-Anthony Towns commence à trouver son adresse, voir si ça se termine par une victoire de 10-20 points ou que sais-je. Ça sera le match dans la nuit de mardi à mercredi. Donc c'est un match qui arrive assez vite. On retrouve aussi un rythme de calendrier NBA qui commence à se densifier avec des matchs qui se rapprochent. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Les matchs chassent, un match chasse un autre et une contre-performance peut vite être effacée. Au contraire, Charlotte, une réussite. Charlotte ont perdu contre nous sur le premier match, mais après, derrière, tu Ouais. vois, ils ont gagné Miami, ils ont gagné Memphis. Donc, Donc voilà, il faut pas vendre la peau de l'abeille. Non, ça se dit pas ça. En tout cas, voilà, il faudra prendre ce match au sérieux. Ça reste des matchs de test. Ce serait dommage de finir sur des mauvaises notes. Mais en tout cas, voilà, il y a matière à être confiant, mais toujours en étant appliqué dans le jeu. Et continuer de travailler sur les automatismes et l'alchimie du groupe. Et puis le dernier match de pré-saison, ça sera un Friday night, mais pas à de Madison Square Garden. Non, non, ça sera un déplacement à la capitale. Alors peut-être que l'année prochaine, la saison prochaine, le déplacement à la capitale, ça sera pour rencontrer le président et parler du titre de champion des Knicks. On verra. En tout cas, c'est un petit peu trop tôt. Là, on va parler encore pré-saison. C'était un match intéressant, on l'a vu, on en a un petit peu débriefé. On n'a pas tellement parlé des adversaires, j'avoue. Alexandre Sarr, le numéro 2 de la draft de cette saison, montrait de belles choses sur sa première Avait rencontre face aux Knicks. ouais, très intéressant, Sarr, sur Une belle mobilité, ça permet de tester un petit peu nos intérieurs, hein, même voilà, si Bilal globalement. plus en difficulté. Ouais. Voilà. À voir ce que ça donne. Là, ça sera un match à l'extérieur. Donc, ça sera dans la nuit du vendredi à samedi. Ce sera le dernier match de pré-saison. Après, on partira pour de la régulière la semaine prochaine. Place aux choses très sérieuses. Et on dévoilera le calendrier. Enfin, vous le connaissez déjà, mais on débriefera le calendrier lundi prochain. Deux petits matchs intéressants. Toi, tu disais, bon, visible. Enfin, normalement, c'est plutôt à l'horizon du tout dernier match qu'on sait un petit peu comment la hiérarchie est installée. Moi, je pense que sur le dernier match, ça va beaucoup faire reposer les starters. Ouais, c'est possible. Peut-être qu'on les met dans le starting 5, quoique il y aura peut-être même des titulaires un petit peu improbables. Et puis tester les derniers joueurs du training camp, les Okeke, les TJ Warren, un peu plus. Alors, ça ne va pas dire qu'ils auront un temps de jeu conséquent, mais au lieu d'avoir 5 minutes, ils en auront peut-être 8. Enfin, voilà, je vois plus ce dernier match comme un match. Bon, au fait, on n'a pas testé un tel. Voilà, campaign, bon, on a compris que tu serais le meneur backup, ben on va mettre plutôt collègue, voilà, des choses comme ça. Bah surtout Je qu'en verrais plus plutôt un match test en mode grand laboratoire sur le dernier face aux Wizards. ton dernier match en plus après d'ailleurs tu rejoues quasiment plus d'une semaine après Ouais. C'est pas donc le moment de se blesser, c'est pas le ouais moment de faire un effort extra qui sert pas à grand-chose ouais puis en pour aller plus chercher une victoire qui a pas je lieu. pense que le match le plus important c'était justement se jauger contre une bonne attaque c'est-à-dire le Ouais. match contre les Wolves Et une belle défense. Mais les c'était Wolves, ouais c'est non aussi. mais déjà tester notre défense parce qu'on l'a dit, on l'a dit très forte et imperméable. Donc c'est vrai que par moments ça a été un peu compliqué, mais quand les mecs en fait se mettent à jouer sérieux, et on a vu que c'était une très belle défense. Notre attaque, voilà, le match contre les Wolves, c'était vraiment presque une répétition grandeur nature d'un premier match d'un de match de saison régulière. régulière. D'ailleurs, ils ont posé la question à Karl-Anthony Towns, à Anthony Edwards, en lui disant, ben justement, il y avait de l'intensité dans ce match. Pour un match de pré-saison, il y avait de l'intensité. Et il a dit, oui, non, mais de toute façon, il y a toujours de l'intensité quand on joue les Knicks au Madison Square Garden. Donc voilà, donc c'était pas surprenant, mais, et quelque part, c'était bien. Là, voilà, là, tu affrontes deux équipes qui vont plus chercher à développer leurs jeunes qu'à avoir des résultats. Donc ça risque d'être un peu plus cool. Ce sera peut-être. On va sûrement peut-être même sur deux défaites, c'est très possible, parce que comme tu dis, on va peut-être reposer les cadres, faire jouer plus de minutes aux rookies. Il y a de fort peu. On va sûrement avoir les deux 5 qui vont démarrer à chaque fois, c'est-à-dire le 5 qu'on a vu démarrer jusqu'à Oh. présent. Moi, Mais. je parierais même sur un Ah petit Brunson au repos sur toi, le tu match penses contre que les le dernier Wizards. match, Ouais, il ouais. joue pas du tout? Peut-être, Pourquoi peut-être, pas? peut-être carrément. Voilà, on les repose, il n'y a pas besoin. Voilà, on a vu ce qu'il fallait voir dans le training camp. Et on teste d'autres joueurs et on met, tu vois, un campaign titulaire, peut-être. Ça va sûrement. Moi j'aurais pensé, tu vois, j'aurais Ce genre pensé. de scénario, tu vois. C'est. Toi tu penses ça. On verra, on verra. On n'en sait rien, en Moi je me fait. serais dit que voilà, genre allez, ça joue 10 minutes, Ouais. 10 minutes, et puis après bonsoir Clara, et puis on passe voilà, on donne des minutes justement au petit rookie. Après Qui est cette Clara? ce qui est un peu dommage, c'est qu'un mec comme Macular est blessé. Lui, il a été Ah oui. blessé depuis sa draft. Donc impossible de savoir vraiment son niveau, savoir ce qu'il vaut. Attention les blessures, on sait que les Français et les blessures, Ah ouais. ça va souvent de pair. Donc attention hein, de pas que Dadier n'ait pas pu se montrer, parce que on a un collègue qui rapidement est rentré un peu dans le cœur des fans, parce que bah, il a montré de très belles choses. Un Hugues Porty, bah Ça passe, t'es ça jaugé par passe. rapport à Sims, donc forcément t'es meilleur. Hein, je veux dire, une chaise serait meilleure. Donc c'est vrai que là-dessus il n'y avait pas trop de difficultés, mais ben, on peut pas voir ce que voit un petit Daddy, en tout cas sur des séquences, Ouais. quand il se fait rentrer dedans défensivement, et comment il se comporte offensivement. Est-ce qu'il se cache? Est-ce qu'il prend l'initiative? Son shoot à On l'avait 3? vu un petit peu en Summer League, mais pas tellement. Ben. Donc, ça serait bien de. La Summer League, c'est pas de la pré-saison. Là, on est sur Parce des que moi effectifs qui sont un peu plus personnellement, proches. voir du Tchouma au Keke, je m'en tape en fait. C'est. Enfin, tu vois, on sait que ce type-là va pas passer le cut. Donc, C'est mal Tchouma parti pour lui. au Keke. Ouais, ces mecs-là. Après, je suis pas dans le secret des dieux. Donc, si ça se trouve, gros man game, demain, on. Chamet est pas gardé et puis Ouais. Koekkoek est gardé. Ouais, bah, tu vois, là, tu fais. Why? Qu'est-ce qu'il a fumé, Léon, quoi. Bon. Pourquoi? Mais bon, j'y crois peu. Cependant, voilà, moi ce qui m'intéresse, ça serait de voir les rookies, mais nos rookies sont blessés, donc bon, ça peut, voilà, ça. Soyez pas étonnés si ça se finit en deux défaites. Voilà, le principal, c'est d'avoir vu ce que De va aller dire tester le les joueurs. 5 et. Il ne s'agit que de matchs de test. Puis de toute façon, spoiler, les Knicks ne vont pas gagner 82 matchs non plus en saison régulière. Donc il faudra se tenir prêt à une défaite. C'est pas pour autant qu'il faudra tout de suite faire des conclusions hâtives. On n'est pas trop dans les conclusions hâtives ici. Et la Non, pré-saison reste de la et je pense pré-saison. Mais voilà, c'est des le matchs sur premier lesquels. mois, il va falloir être patient. Il va falloir patient parce que le premier mois, là encore, on sera toujours en rodage. Et le premier mois, je rappelle que sur les 10 premiers matchs, on affronte du lourd. Le Donc, calendrier est costaud, mais les ouais. équipes adverses sont aussi en rodage. Oui, Donc mais l'un dans elles se l'autre. connaissent. Elles sont moins en chantier que nous. Hein. Elles sont moins en chantier que nous. Y a eu beaucoup de changements, des gros chantiers. On a fait un gros coup de lifting sur l'édifice New York Knicks. À voir si ça nous mène très très loin. En tout cas, le navire est beau, ça promet de belles choses. Voilà, faudra pas que ça prenne trop de retard à l'allumage. En tout cas, voilà, c'est le programme de cette semaine sur l'actualité des Knicks pour les matchs à jouer. On vous rappelle également qu'au niveau de l'actualité associative, il y a l'événement qui se rapproche, le Bally is Life, l'événement à la Hoops Factory le dimanche 3 novembre. Donc la saison NBA aura commencé, on pourra déjà débriefer. N'oubliez pas aussi, avant l'opening night. Il vous reste encore quelques temps pour tenter votre chance et essayer de repartir avec l'autographe, la photo dédicacée d'Isaiah Hartenstein. Oui, oui, oui. Josh Hart a dit, si Dante est parti, c'est la faute de Isaiah Hartenstein. Voilà. Je sais pas si on peut faire un raccourci comme ça, mais bon, en tout cas, il l'a dit. Et il faut sûrement un petit peu d'humour. Il faut le répéter, encore une fois. Oui, répétons-le. Ce n'est pas les Knicks qui n'ont pas voulu le payer, on était plafonnés. Les Knicks étaient plafonnés sur ce qu'ils pouvaient proposer à Hartenstein. On ne pouvait pas proposer plus de 12 millions et quelques. On va arrondir à 13. Et le problème, c'est que... Ben, les autres en ont proposé quoi, 30? Et les autres ont proposé plus, forcément. Ben, 7, il est parti, ouais, je crois qu'il a eu un contrat presque à la hauteur de 20 millions, je crois, un truc comme ça. Bref, on ne pouvait pas lutter. Mais par rapport... C'est une histoire de... Early, Bird Wright. Ouais, c'est un truc comme ça. Bref, il y a une histoire de convention collective au niveau des contrats. Les Knicks ne pouvaient pas proposer plus. Ils voulaient garder Hartenstein. Malheureusement, bah, au vu de la saison qu'il venait de sortir et du tarot maximum, et il a été proposé ce tarot, hein. Évidemment qu'il a été proposé. Et au vu du tarot maximum que les Knicks ont proposé, on ne pouvait pas lutter face à une équipe qui, elle, n'était pas capée sur l'offre qu'elle pouvait faire. Donc, les Knicks voulaient le garder. On n'a pas pu le garder, c'est pas qu'on n'a pas voulu le re-signer, c'est qu'on était juste, on n'avait pas les mêmes armes administratives que les autres sur ce dossier, c'est tout. Financièrement, on ne pouvait pas faire la même offre que OKC, et ça, bah, beaucoup de gens l'oublient et pensent que les Knicks ont laissé partir Hartenstein. À offre équivalente, il restait à New York. Oui, bien sûr, même si les impôts sont peut-être un petit peu plus élevés à New York que dans l'Oklahoma. Ceci dit, voilà, il aurait souhaité rester. Malheureusement, il a eu le double de salaire. Bon, bah, et pour un projet intéressant, même si jusqu'à présent, je crois qu'il sort du banc. Donc, voilà. Bon, ça, c'est l'histoire d'Isaiah Hartenstein. En tout cas, si vous voulez essayer de repartir avec, non pas le contrat d'Isaiah Hartenstein, d'Enix ou de OKC, mais sa photo dédicacée, c'est encore possible. Il faut juste prendre votre adhésion et faire un petit pronostic sur l'Opening Night. Nous, on vous donnera le pronostic sur notre Opening Night face aux Celtics la semaine prochaine. Même endroit, même heure sur Avenix Week. D'ici là, portez-vous très bien. Voisin du dessous, bonne semaine. Bah oui, toi aussi. Hein. Avec deux bons matchs. Et hier, le match, il a duré 6 ans. J'espère que ce ne sera pas pareil pour les deux prochains. Oui. Ça siffle beaucoup des fautes. Peut-être que les arbitres sont en rodage. Nous aussi, on commence à avoir déjà des cernes. Il va falloir qu'on retrouve le rythme des nuits endiablées de NBA. En tout cas, voilà. Portez-vous très très bien. On se retrouve très vite pour l'épisode 99. La centième se rapproche. Et peut-être qu'il y aura des cadeaux, qui sait. Allez, portez-vous très bien. Bonne fin de... Enfin, bonne semaine à Venix Week, tout simplement. Supportez les Knicks. Let's go Knicks. Et du calme sur les conclusions hâtives. Allez, à très vite sur KNF TV. Ciao, ciao!